Mon stylo ne sera pas un gun, mais ton dessine violentissime. Au style, on se cassera la gueule, ou même des idiots l'anticipent. Tant de son plus de porte à l'échange, des verres pleines sans s'approuvoir. Dans le fond, je supporte pas les gens, et je perds patience à trop vous voir. Trop souffrant, être brailleur, pousse juste à verser tôt sa peine. Trop souvent, la tête ailleurs, juste à verser gosse appelle. Offensé, glauque et cynique, y a trop vestile qui vit l'enfer. On pensait trop pessimiste, la prophétie divine enferme. Les crochets à serrer, voient que le plus aberrant s'assouvira. Crochet à serrer pour passer d'adhérence à sous virage. On se placarde, finitrice dans le déni sacré mal. Sublimer les écrits, embellit ça très mal. Une vie tranquille que seul amour est pérenne. Vie tranquille, pris dans un monde de seum, amour est pérenne. Je prends sur moi, la pression, je la vois, je la subis pas. Quand je leur donne l'impression que j'aboie, j'assume le pas. Pour faire la guerre, ça crie allez. Pour faire avec la paix, ça rase. On est à l'aise que pour douiller, aller souiller le cahier, ça y est donc obligé de caler ça là. Pour faire la guerre, ça crie allez. Pour faire avec la paix, ça rase. On est à l'aise que pour douiller, aller souiller le cahier, ça y est donc obligé de caler ça là. J'suis un coup de vent, laissez passer, type orage, je m'agassape. Dans nos bails, son père qui déballe avec la tête à plaza. J'vais pas servir la galette, pas envie d'être la gazelle. Pas envie de me faire gazer, pas même la teuf à Gaza. Trop d'hommes sont des forces, c'est pas le moment que t'as Chikabaru. Lorsque mon tapis dans l'ombre, faut la mentale à Chikamaru. Mat, c'est la quête aux yeux d'or, c'est fou, exact, t'es la volaille. Et quand la goutte est trop, c'est fils de, c'est des alteranos là. Sont dans des bails, sont chez Puff Daddy, ça fait la fête. Laisse tout le verre, klaxon, la Puff d'Asie, ça fait l'affaire. Ouais. Qui déballe seul le trône des séraphins. J'assiste à la défaite, au sort le rendre les rafales. Get a fuck. Main sur le cœur, appelle-moi Anubis. J'aurais que la vie du nia c'est baisse, c'était déjà Anubis. L'indus carton qui fait le feu dans les organes, mec. Fuck off si tu préfères entendre brailler Morgane, mec. Pour faire la guerre, ça crie allez. Pour faire avec la paix, ça rase. On est à l'est que pour douiller, aller souiller le cahier, ça y est donc obligé de caler ça là. Pour faire la guerre, ça crie allez. Pour faire avec la paix, ça rase. On est à l'est que pour douiller, aller souiller le cahier, ça y est donc obligé de caler ça là. J'arrive mais des secours, des torrents de rimes, pas de discours. L'envie morte dès que les yeux s'ouvrent, mais faut remplir le caddie de bouffe. Critique chill en face le doigt, saoulant leur petit cœur, lâche ta perte. Pas crédible, ça parle deux fois, sous dans un pic, pas d'Aesh. Ça va le turfus, on sur un trip anti-support. On est de ceux qui souffrent, qu'on plus de ratichons, qu'on bancaire qui suffoque. Bah oui. Les races couronnent, facile d'après vous avec l'âge boulonne. Mais clash boulogne, on n'attire pas les mouches avec de l'axe pour homme. Les ports sévissent, puis mat ta chute, pas les battants. Un profil d'écorché vif qui crame pas hutte dans les Balkans. Émotifs d'or, voleurs petit monde feutré, c'est trop d'icônes. Les gomitones, viens pas nous tester derrière un chromiphone. Les connards rusent après l'échec, les gros lapsus. Trace ma route, zéro cassure, malgré que les semelles des godas s'usent. Si nous constate, pilule votre soi que c'est pas sincère, bata. Vidéo Gustave tire une grosse latte et lâche un cher. Pour faire la guerre, ça crie allez. Pour faire avec la paix, ça rase. On est à l'est que pour douiller, aller souiller le cahier, ça y est donc obligé de caler ça là. Pour faire la guerre, ça crie allez. Pour faire avec la paix, ça rase. On est à l'est que pour douiller, aller souiller le cahier, ça y est donc obligé de caler ça là.